Je te ferai remarquer qu'on ne baille pas à table. Excuse-moi, mon vieux, je suis crevé. Tu pourrais au moins mettre ta main devant ta bouche. Ma main est trop petite, je ne pourrais pas cacher toute ma bouche. En tout cas, tu pourrais bailler discrètement, comme ça. Naturellement, c'est malin. Tu n'as pas envie de bailler. Oh, je pourrais avoir envie de bailler, j'ai autant de raisons que toi d'avoir envie de bailler. Je ne crois pas. Je travaille un peu plus que toi, alors à la fin de la journée, j'aurai le droit d'être un peu plus fatigué que toi. Oh, ce n'est pas une question de travail, c'est une question de sommeil. Et ça alors, moi j'ai sommeil. Je te dis de bailler comme ça. Comment dis-tu? Comme ça. Ça? Mais non. Comme Marceline, tiens. Oh, avec vos discours idiots, vous m'avez donné aussi envie de bailler. Comme ça? Ben, je ne peux pas. C'est un peu fort, tout de même. Des petits trucs distingués, ça ne délasse pas. Ah. Tu vois, quand tu as envie de bailler, tu bailles comme tout le monde. Ah, c'est idiot. Maintenant, je vais pouvoir bailler tranquillement. Et si le café était prêt, nous pourrions le boire, ça nous réveillerait. Oui, mais le café est-il prêt? Je ne saurais te répondre. Peut-être le café est prêt. Il se pourrait que le café fût prêt. Je ne crois pas que le café soit prêt. On pourrait peut-être sonner la bonne. Non, la bonne est sortie. Qui lui a dit de sortir? Monsieur Clotaire, naturellement. Moi? Ouais. Tu es complètement abruti, mon pauvre ami. Tu envoies la bonne à l'autre bout de Paris. Tu nous demandes de la sonner. Où l'as-tu envoyée? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je ne sais plus. Enfin, arrête, non, non. Non, excuse-moi, moi, j'ai tellement sommeil. Oh, ne baille pas, en tout cas, ne baille pas. Alors, pas de café. Pas de café. Dommage, le café est très bon pour les artistes. Oh, c'est embêtant, ça. Pourquoi fermez-vous toujours le piano à clé? Vous le faites exprès? Oh, oui. Ah? Nous n'avons pas envie de t'entendre travailler tes papillons dans la prairie. Vous êtes entendu, ça ne vient pas. Ah, ça non, ça ne vient pas. Non, c'est-à-dire, je donne bien la prairie, mais je ne peux pas arriver à donner les papillons. Mais tu ferais mieux d'y renoncer, carrément. Est-ce que tu renonces, toi? Moi? Est-ce que tu renonces à inventer ta fleur? Oh, non! Eh ben alors? Oui, mais moi, je ne fais pas de bruit quand j'invente. Alors, pour toi, la musique, c'est du bruit. Ta musique, oui. Une chose comme cœur brisé, par exemple, c'est du bruit. On croirait que tu l'as brisé à force de le cogner par terre. Oui, ben tout le monde n'est pas de ton avis. Quelqu'un d'un peu mieux qualifié que toi me disait hier, c'est fluide, c'est aérien, comme on voit que vous avez dû souffrir. Ben, mon vieux. Et puis, toutes les midinettes le chantent. T'as qu'à aller à la sortie des ateliers, tu l'entendras. Elles comprennent la poésie de ça. Na na ni na non, na ni na non, non, non, non, ta ta d'air, da da d'air. Ben ouais. Avec Anne, si tu veux, mon vieux, c'est poignant. Tant mieux, tant mieux. En tout cas, je trouve, moi, quand je cherche, je ne suis pas comme certains imbéciles qui se croient très spirituels et qui ne sont même pas fichus d'inventer une fleur. Essaie donc. C'est pas difficile de faire de la musique. Il n'y a que cette note. N'importe comment on les met, on a toujours un air. Tandis que fabriquer une fleur, ajouter à l'œuvre de Dieu, ça... C'est difficile d'avoir une fleur artificielle. Oh, ce que vous m'agacez. Mais mon petit... Ah, je vous dis que vous m'agacez. Bon. Allez, puisque la bonne ne revient pas, va faire le café, Jeff. Bonne idée. Oh, mon petit. Va faire le café, Jeff. Bien, mon petit, bien. Alors? Ben, je te l'ai dit avant le dîner. Gaston est introuvable. Vous allez partout? Partout. Chez sa mère aussi? Oui, il n'y avait personne. Oh, et chez lui? Ben, voyons, naturellement. Oh, mais où peut-il être? Je ne sais pas. Voilà un jour et une nuit que je lui cours après. Je crois qu'il est parti. Ah oh, non, n'en dis pas ça. Ah, je te le dis tout de même. Ah non, ce serait trop affreux. Mais j'ai tous les torts, je te dis, je lui ai fait une scène idiote, je lui ai dit que je ne l'aimais plus. Mais il n'a pas cru, voyons. Peut-être que si. Mais non, un homme ne croit pas ça tout de suite. Tu sais, Gaston est un original. Non, c'est pas possible, mon père, il ne va pas partir bêtement. Au Brésil, comment veux-tu que je le rejoigne? S'il part, tout est perdu. Oh, ne pleure pas. Écoute, j'ai fait ce que j'ai pu, moi, toute la nuit, toute la journée, j'ai galopé dans Paris à sa recherche. C'est vraiment pas de ma faute. Enfin, admettons qu'il parte, il va tout de même rentrer chez lui, faire ses mal. Probablement. Bah alors, il trouvera Étiennette. Ah, c'est chez lui que j'ai envoyé la bonne. Eh oui, elle lui dit que je veux lui parler absolument, là, avant qu'il parte. Il me revoit et je le garde. Mais oui. Oh, être là, attendre, sans pouvoir rien faire. Tandis qu'il part, peut-être. Alors, voyons. Et si tu allais au cercle? Ah, non, non, non, non, non, écoute, ça, je n'en peux plus, moi. J'ai pas dormi depuis 24 heures. Chut, chut, tais-toi. Je crois qu'il sera bon. Dis donc, imbécile. Quoi? Tu ne peux pas sortir les tasses, tu n'es même pas capable de prendre cette initiative. Ah, je suis crevé, mon vieux. Tu bavardais encore avec ta soeur, mais de quoi pouvez-vous bien parler tous les deux? Bah, tu sais. Tu l'as vu hier, tu déjeunais ici ce matin, tu as même téléphoné deux fois cette nuit. À propos, je te demanderai de ne pas téléphoner la nuit, tu nous réveilles chaque fois, et pour nous dire quoi, hein, je te le demande. Ah oui? Tu aurais pu vraiment attendre ce matin pour me demander l'adresse de ma couturière. Tiens, je t'ai demandé l'adresse de ta couturière? Tu ne sais même plus ce que tu demandais. Je crois bien que j'étais un peu saoul. Alors, la prochaine fois, n'hésite pas. Dès que tu te sentiras saoul, prends ton carnet d'adresse, téléphone à un marchand de pantoufles ou de tableaux anciens et fous-nous bien la paix. À propos, il faudra que tu me la redonnes. Quoi? Je dis, il faudra me redonner l'adresse de ta couturière. C'est pour ma petite amie. Tu veux me faire mourir? Je vois pas ce qui te fait rire. Écoute, en tout cas, je ne veux pas la voir. Ça me ferait trop de peine. Pauvre gosse, une si triste fin. Tu es comique, tu es rigolo. Ah non, je te le dis, en vérité, c'est mal, c'est très mal ce que tu as fait là. Je sais bien qu'elle avait sans doute perdu tout espoir, c'est égal. Penser qu'elle aura devant les yeux quotidiennement une tête comme la tienne. Mais qu'est-ce qu'elle a pu faire pour être aussi durement punie? Crevant, crevant, crevant. Tu peux lui en payer des robes pour te faire pardonner. Oh, ça va, hein.